parler de golf à Dolbeau-Missassini. Ça fait un petit bout de temps que Daniel était pas là, il devait être en vacances. Salut Daniel Fortin! Salut, Ouais, t'as pris des petites vacances, quoi, pour... on a eu de la musique à se parler. Tu vois, tu reprends un peu, là, puis relaxer un petit peu, là, pendant une couple de semaines, là. Rien d'extravagant, OK. Qu'est-ce qui se passe dans le club de golf de Dolbeau-Missassini actuellement? Ben, présentement, on a eu la semaine dernière, dimanche passé, c'est nous qui étaient les autres. Ouais, sur OK. C'est un événement régional, donc c'est Allemand qui a gagné les grands honneurs. Dans la catégorie A, dans la catégorie B, c'est Saint-Prime. Ouais. Donc, Dolbeau a fini en deuxième place devant Chipogamo. Bon, c'était une partie remise. Les matchs ont été serrés jusqu'à la fin. C'était juste une question de un coup ici puis un coup là pour faire la différence où nous aurions pu finir en première place. Mais on va s'en prendre à l'époque. OK. C'est avec le championnat du club hein, que vous choisissez finalement. Hein, qui vont cette année, les 10 meilleurs... Les 10 participants dans les interclubs, nous, cette année, on avait une formule désignée au début de l'année où on prenait quelques joueurs à partir des fields D, quelques joueurs, les anciens champions de club. Okay. Après ça, il y avait une coupe de... Il y avait un ou deux choix du capitaine de l'équipe. Okay. Donc, ce qui fait qu'en tout, là, selon certains critères, 10 joueurs ont été choisis sur les critères prédéfinis. OK, OK. Donc, c'est ce qui confirme évidemment ce qui a lieu en fin de semaine. Là, il y avait un tournoi mix hier, je pense, hein? Yeah, ouais, c'est un tournoi mix. Il y avait 28 participants, donc il y a eu une soirée relativement OK. Okay. Donc, c'était la dernière présentation pour l'année en cours. Donc, c'était une franc succès tout au long de l'année. Là. La dame température n'a pas contribué tout le temps, mais bon an, mal an, ou dans l'ensemble de la saison, ça s'est OK, OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant au cours de la prochaine fin de semaine? OK, donc on sait qu'en fin de semaine, sur une période de deux jours, c'est le championnat du club féminin masculin. Après ça, on a une petite semaine de répit. Après ça, le 12 de septembre, ça va être l'Omnium Jean Lemieux, là, qui est organisé par okay. Pierre-Luc Lemieux, puis... Sébastien Marceau, donc vous pouvez vous inscrire au club de golf, et dépêchez-vous parce que les cases se remplissent très très vite. C'est un coût de 80$. C'est un tournoi à 5 joueurs meilleur okay. balle. C'est très excitant, puis c'est vraiment un beau tournoi. C'est un des beaux tournois dans la région où il y a du monde de partout dans la région qui vient nous voir pour ça. OK, mais l'Omnium joue un Pelcha aussi, j'imagine, hein? L'Omnium Mario Pelcha, c'était dans le cadre de la maison Colombe Bayeux la semaine okay. dernière. C'était un franc succès. Nous le club de golf a reçu 197 golfeurs au total, puis des fonds, ça a généré des fonds pour la maison Colombe Bayeux, ouais. si je ne m'abuse, d'environ 60 000$. Donc, c'était un franc succès. Puis en plus, on a eu une très, très belle journée, plein soleil tout le long. Donc, c'était un franc succès pour cette organisation. Okay. Est-ce que c'est le... Mais c'est, ça, c'est le plus gros tournoi du club, hein? Qui a le plus d'achalandage, hein? Le Minium Joan Pelcha, c'est le plus gros... au niveau de l'achalandage, là, c'est le plus gros, ça, hein? Ouais, c'est un gros tournoi parce que c'est le club de Dolbeau qui est haut, dont on les reçoit. Ouais. C'est comme une location de terrain en fait qu'on leur fait là. Après ça, le souper, nous on peut pas les accommoder parce qu'il y a trop d'invités. Mmh. On est resté par les places, donc ils font ça, je crois, dans le foyer les mots m'échappent, de la maison des arts du théâtre. OK. C'est fait pas mal le tour pour cette semaine, Daniel? C'est pas mal tout ça pour cette semaine. Et puis, rappelle-moi la prochaine, ça n'a du nouveau. Pour le tour des défenses, ben oui. C'est sûr pour nous voir en septembre. Donc, profitez-en, le terrain est en excellente condition. C'est vraiment agréable de vous, c'est ainsi. Là, les mecs sont dans la perfection. Bon, ben c'est parfait. On s'en reparle la semaine prochaine. Le président du club de golf, Daniel Fortin.